Chapitre 19. Les garçons tinrent parole. Deux jours plus tard, sous le prétexte d'aller cueillir des fruits dans la forêt, ils entraînèrent Sharon à la lisière du territoire indien. La fillette s'était préparée à rencontrer des hommes nus, un os en travers du nez, le torse zébré de scarifications tribales, le pénis glissé dans un étui de cuir. Au lieu de cela, elle fut saluée par des paysans aux yeux bridés, dont l'habillement ne différait en rien de celui des bûcherons. Ils vivaient retirés sur une langue de terre formant saillie, une sorte de presqu'île verdoyante où ils avaient érigé un village d'une trentaine de cases. Assez curieusement, ils portaient des noms hispaniques, Pedro, Dominguez, Zarzuela. Sans qu'on puisse déterminer pour quelle raison, ils avaient ainsi choisi de perpétuer les patronymes de leurs anciens bourreaux. L'arrivée de la jeune Anglaise défigurée avait provoqué un début de panique chez les Indiens qui, au premier abord, avaient cru voir en elle une lépreuse échappée du monde d'en bas. Heureusement, le cacique s'y connaissait assez en blessures pour faire la différence entre une cicatrice rétractile et le terrible mal dont le nom était tabou. Passé les premières minutes d'effroi, les choses s'étaient arrangées. Comme José apportait de la bière volée à Devereaux et des galettes de miel, les enfants furent bien accueillis. On les pria de s'asseoir sur la place du village, puis Zarzuela, le cacique, vint se joindre à eux. José, qui possédait suffisamment leur langue pour entretenir une conversation, s'attribua le rôle d'interprète et traduisit les questions que Sharon désirait poser. En guise de préambule, Zarzuela se lança dans un monologue ponctué de signes de tête et de mimiques ritualisées. De temps en temps, il faisait une pause et secouait un gris-gris composé d'une touffe de cheveux et de deux os retenus ensemble par un lacet de cuir. Le chef dit que les Blancs s'agitent en vain et qu'il ferait mieux de prendre patience, car aucun d'entre eux ne pourra partir avant 10 ans, traduisit enfin José. Pourquoi ? S'étonna Sharon. Parce que le courant froid obéit toujours au même cycle. Il coule pendant 20 ans et puis disparaît pendant 5 années. Au terme de ces 5 années, il se réinstalle pour 20 ans. Le chef dit que les choses se sont toujours passées de cette manière. Le courant qui nous a tous amenés ici coulera encore pendant 10 ans, puis disparaîtra du jour au lendemain. Alors les bateaux pourront normalement quitter l'île sans qu'il soit besoin d'utiliser un moteur surpuissant. C'est juste une question de patience, mais l'homme blanc ignore la patience. Il est toujours pressé, il veut aller plus vite que la nature. À l'époque où les conquistadores occupaient l'île, le courant n'existait pas. Il s'est manifesté bien plus tard, le jour où le grand-père du grand-père de son grand-père a fêté ses 12 ans. Voilà ce qu'il dit. Du moins, c'est ce que je crois avoir compris. Et le volcan s'enquit Sharon. José reprit sa palabre. Après 3 minutes d'un dialogue hésitant, il déclara : Selon le chef, le volcan ne s'est jamais réveillé. Le danger ne vient pas de lui, mais plutôt de la fragilité du sol. La terre sur laquelle nous marchons est poreuse. Des éboulements souterrains se produisent parfois. On voit alors des arbres s'enfoncer dans le sol, comme si un démon tirait sur leurs racines. Il dit que jadis, lorsqu'il avait notre âge, l'île était beaucoup plus grande. Depuis, elle ne cesse de rétrécir. Chaque fois qu'une grosse tempête fouette ses falaises, elle emporte dans ses vagues un morceau de terre. Un jour, l'île sera toute petite, si petite qu'un homme pourra en faire le tour en quelques minutes à peine. Il nous demande de faire attention où nous mettons les pieds, car la végétation dissimule les crevasses du terrain. Il nous conseille de prendre la fuite si nous voyons un arbre trembler sur sa base. Cela signifie soit qu'il va s'effondrer, soit qu'il va s'enfoncer sous la terre. « C'est vrai ?» s'inquiéta Sharon. « Oui, » affirma Chantipé. « J'ai vu un jacquier disparaître comme ça, en l'espace de 3 secondes. La terre l'a avalé. Les racines, le tronc, les branches, tout. » Le chef dit que ce sont les maudits qui vivent au cœur des tunnels qui volent ainsi le bois des vivants, continua José. Quand il parle des maudits, je pense qu'il fait allusion aux lépreux. Il pense que ces créatures souterraines utilisent les arbres pour allumer de grands feux infernaux. C'est la fumée de ces feux qui s'échappe par la cheminée du volcan. Bon, là, ce sont les légendes de sa tribu. on n'est pas forcé d'y croire. » La conversation se poursuivit encore un moment sur le même ton. Puis le cacique offrit au garçon un arc et des flèches dans un étui d'écorce. Aux filles, il fit remettre des fruits par les femmes de la tribu. Ensuite, il leur tourna le dos, comme si ses visiteurs avaient soudain cessé d'exister. « Bon, soupira José, là on l'emmerde, vaut mieux prendre congé. » Les adolescents repartirent comme ils étaient venus. « Si je comprends bien, récapitula Sharon sur le chemin du retour, l'île est en train de s'effondrer sur elle-même ?»« Ouais, fit Chantipé, c'est à peu près ça. » Voilà pourquoi il vaut mieux rester près du volcan. C'est le seul endroit solide dans le coin. Quand tout s'écroulera, on pourra s'y cramponner comme à une bouée de sauvetage. Cette perspective semblait amuser les garçons. Sharon, elle, ne partageait pas leur hilarité. L'idée que l'île rétrécissait un peu plus à chaque tempête la mettait mal à l'aise. Elle commençait à trouver son séjour chez Devereaux beaucoup moins amusant qu'elle ne l'avait espéré. Et puis, Amy lui manquait. Elle s'en voulait de le reconnaître, mais c'était un fait. Loin de la fille aux cheveux rouges, elle se sentait perdue.